Le Comte de Chantelaine, épisode de la Révolution par Jules Verne. Chapitre 1er. Dis-moi d'une guerre héroïque. Le 24 février 1793, la Convention nationale décréta une levée supplémentaire de 300 000 hommes pour résister à la coalition étrangère. Le 10 mars suivant, le tirage des conscrits devait avoir lieu à Saint-Florent, en Anjou, pour le contingent de cette commune. Ni la proscription des nobles, ni la mort de Louis XVI n'avaient pu émouvoir les paysans de l'Ouest. Mais la dispersion de leurs prêtres, la violation de leurs églises, l'intronisation des curés assermentés dans les paroisses, et enfin, cette dernière mesure de la conscription, les poussèrent à bout. « Puisqu'il faut mourir, mourons chez nous !» s'écrièrent-ils. Ils se jetèrent sur les commissaires de la Convention, et armés de leurs bâtons, ils mirent en pleine déroute la milice rassemblée pour protéger le tirage. Ce jour-là, la guerre de Vendée venait de commencer. Le noyau de l'armée catholique et royale se formait sous la direction du voiturier Catelineau et du garde-chasse Stofflet. Le 14 mars, la petite troupe s'empara du château de Jalhay, défendu par les soldats du 84e et par la garde nationale de Charonne. Là fut enlevé aux républicains ce premier canon de l'armée catholique qui fut baptisé le missionnaire. « À cela, il faut une suite, » dit Catelineau à ses camarades. Cette suite fut la guerre de ces paysans qui mirent aux abois les meilleures troupes de la République. Après le coup de main du château de Jalhay, les deux chefs vendéens s'emparèrent de Cholet et firent des cartouches avec les gargousses des canons républicains. Le mouvement gagna, dès lors, les provinces du Poitou et de l'Anjou. À la fin de mars, Chantelaine fut pillé. Saint-Fulgent prit. Pâques approchait. Les paysans se séparèrent pour aller accomplir leurs devoirs religieux, cuire du pain et changer leurs sabots usés à poursuivre les bleus. En avril, l'insurrection recommença. Les gars du Marais et ceux du Bocage se rassemblèrent sous les ordres de messieurs de Charette, de Bonchamp, d'Elbé, de la Rose-Jacquelin, de Lescure, de Marigny. Des gentilshommes bretons vinrent se jeter dans le mouvement et parmi eux, l'un des plus braves, l'un des meilleurs, le comte Humbert de Chantelaine. Il quitta son château et rejoignit l'armée catholique, forte alors de 100 000 hommes. Le comte de Chantelaine, toujours au premier rang, fut pendant 10 mois de toutes les victoires comme de toutes les défaites, vainqueur à Fontenay, à Thouars, à Saumur, à Bressuire, vaincu au siège de Nantes, où mourut le généralissime Catelineau. Bientôt toutes les provinces de l'Ouest furent soulevées. Les Blancs marchèrent alors de victoire en victoire, et ni Aubert du Bayet, ni Kléber avec ses terribles Maillancais, ni les troupes du général Canclot ne purent résister à leur indomptable ardeur. La Convention, effrayée, ordonna de détruire le sol de la Vendée et d'en chasser les populations. Le général Santerre demanda des mines pour faire sauter le pays et des fumées soporifiques pour l'étouffer. Il voulait procéder par l'asphyxie générale. Les Maillancais furent chargés de créer le désert, décrété par le comité de salut public. Les troupes royales, à ces nouvelles, devinrent terribles. Le comte de Chantelaine commandait alors un corps de 5 000 hommes. Il se battit en héros à Douai, au pont de Cé, à Torfou, à Montaigu. Mais enfin, l'heure des revers sonna. Le 9 octobre, de Lescure fut vaincu à Châtillon. Le 15, les Vendéens étaient chassés de Cholet. Quelques jours plus tard, Bonchamp et Delbé tombaient frappés à mort. Marigny et Chantelaine firent des prodiges de valeur, mais les colonnes républicaines les serraient de près. Il fallut songer alors à repasser la Loire avec une armée fugitive qui comptait encore 40 000 hommes en état de combattre. Le fleuve fut franchi au milieu d'une extrême confusion. Chantelaine et les siens rallièrent l'armée de la Roche-Jacquelin, qui venait d'être nommée généralissime, et là, malgré Kléber, les Blancs remportèrent une grande victoire devant Lavey, la dernière de cette héroïque campagne. En effet, les Blancs étaient désorganisés. Chantelaine travailla de son mieux à refaire l'armée royale. Il n'en avait ni le temps ni les moyens. Marceau venait d'être nommé général en chef par le comité de salut public et il poursuivait les royalistes avec une extrême vigueur. La Roche-Jacquelin, Marigny, Chantelaine durent se replier sur le Mans, puis se rejeter dans Lavey, d'où ils furent chassés une troisième fois et fuirent enfin vers Ancenis afin de repasser sur la rive gauche de la Loire. Mais pas un pont, pas un bateau. la masse désespérée des paysans descendit la rive droite du fleuve, et ne pouvant regagner la Vendée, les fuyards n'eurent d'autre ressource que de se jeter sur la Bretagne. À Blain, ils remportèrent un dernier avantage d'arrière-garde et se précipitèrent vers Savenay. Le comte de Chantelaine n'avait pas un seul instant failli à son devoir. Ce fut pendant la journée du 22 décembre que Marigny et lui, suivis d'une foule effarée, arrivèrent devant la ville. Ils s'embusquèrent avec une poignée de Vendéens dans deux petits bois qui couvrent Savenay. « C'est ici qu'il faut mourir, » dit Chantelaine. Quelques heures plus tard, parurent Kléber et l'avant-garde républicaine. Le général lança trois compagnies sur les gars de Marigny et de Chantelaine. Malgré leurs efforts opiniâtres, il les débusqua et les força de rentrer dans la ville. Puis il s'arrêta et ne fit plus un pas en avant. Marceau et Westermann le pressèrent d'attaquer. Et Kléber, voulant donner le temps à toute l'armée royale de se concentrer dans Savenay, ne bougea pas. Il disposa ses troupes en croissant sur les hauteurs voisines et il attendit patiemment l'heure d'écraser les Blancs d'un seul coup. La nuit qui vint fut sinistre et silencieuse. On sentait que le dénouement de cette guerre était proche. Les chefs royalistes se réunirent dans un conseil suprême. Il n'y avait plus rien à attendre que de l'énergie du désespoir. Pas de quartier à espérer, pas de reddition à tenter. Tout fut impossible, il fallait donc se battre, et pour mieux se battre, attaquer. Le lendemain, le 23 décembre, ou pour parler le langage du calendrier républicain, le 3 niveaux de l'an 2, à 8 heures du matin, les Blancs se jetèrent sur les Bleus. Il faisait un temps affreux. Une pluie froide et glaciale tombait à torrents. Les marais étaient chargés de brouillard. La Loire disparaissait sous la brume. Le combat allait se livrer dans la boue. Quoique inférieur en nombre, les Vendéens attaquèrent avec une irrésistible ardeur. Aux cris de « Vive le roi !» répondaient les cris de « Vive la République !» Le choc fut terrible, l'avant-garde républicaine plia, le désordre se mit dans les premiers rangs des Bleus qui refluèrent jusqu'au quartier général de Kléber. Les munitions vinrent à leur manquer. « Nous n'avons plus de cartouches !» crièrent quelques soldats à leur général. « Eh bien, les enfants à coups de crosse !» répondit Kléber. Et en même temps, il lança un bataillon du 31e. Les chevaux manquaient comme les munitions, mais le général républicain, faisant une cavalerie de son état-major, jeta ses officiers sur l'ennemi. Les Blancs commencèrent alors à rompre. Il leur fallut rentrer dans Savenay, où ils furent poursuivis à outrance. En vain firent-ils prodige de valeur, ils durent céder au nombre. Piron, Liraud furent tués, les armes à la main. Fleuriot, après avoir vainement essayé de rallier ses bandes éparses, dut percer l'armée républicaine pour se précipiter avec une poignée d'hommes dans les forêts voisines. Pendant ce temps, Marigny et Chantelaine luttaient avec désespoir, mais les rangs des paysans s'éclaircissaient, la mort et la fuite creusaient des vides. « Tout est perdu !» dit Marigny au comte de Chantelaine, qui combattait en héros à ses côtés. Le comte était un homme âgé de 45 ans à peu près, d'une belle stature, la figure noble, hardie, mais triste sous la poudre et le sang, superbe à voir, malgré ses vêtements souillés. Il tenait d'une main un pistolet déchargé, de l'autre son sabre sanglant et faussé. Il venait de rejoindre Marigny après avoir fait une trouée dans les rangs républicains. « Il n'y a plus à nous défendre, » dit Marigny. « Non, non, » répondit le comte avec un geste de désespoir, « mais ces femmes... Ces enfants, ces vieillards dont regorge la ville, les abandonnerons-nous? Non pas, Chantelaine, mais où les diriger? Sur la route de Guérande? Bas donc, entraîne-les à ta suite. Mais toi, moi, je vous protégerai tous de mes derniers coups de canon. Au revoir, Marigny. Adieu, Chantelaine. » Les deux officiers se serrèrent la main. Chantelaine se précipita dans la ville, et bientôt une longue colonne de fuyards quitta Savenay sous ses ordres en descendant vers Guérande. « À moi, les gars !» avait crié Marigny en se séparant de son compagnon d'armes. À ce cri, les paysans rallièrent leur chef, traînant avec eux 2 pièces de 8. Marigny les établit sur une hauteur, de manière à couvrir la retraite. 2000 hommes, les seuls survivants de son armée, l'entouraient, prêts à se faire hacher. Mais ils ne purent tenir contre la masse des républicains. Après 2 heures d'une lutte suprême, les derniers Blancs, décimés, durent se débander et ils s'élancèrent à travers la campagne. Ce jour-là, 23 décembre 1793, la grande armée catholique et royale avait fini d'exister.